Je m'en tape que notre amour soit si dur et que tu n'habites pas dans mes murs. Mais une chose est sûre, c'est que je t'aime, je te le jure. Je m'en tape que notre amour soit si dur et que tu n'habites pas dans mes murs. Mais une chose est sûre, c'est que je t'aime, je te le jure. Avant d'être avec toi, je faisais vraiment n'importe quoi. J'étais avec elle pour elle, puis celle-là, je draguais par-ci et par-là. Une vie de fou, mais maintenant je te dis I love you. Mes envies et mes passions n'ont pas changé, mais pas de préoccupations, car c'est avec toi que je veux les partager. Come il sole, ti sei alzata davanti a me. Una mattina poi il resto è una lunga storia, così bella che la mia vita in un attimo è cambiata. Je ne t'ai jamais dit que tu faisais trop bien l'amour. Je passe avec toi mes plus beaux jours. Oups, je voulais dire mes plus belles nuits. Je t'aime, je te hais, je te veux dans mon lit. Je ne t'ai jamais dit que tu faisais trop bien l'amour. Je passe avec toi mes plus beaux jours. Oups. Avant de finaliser ce texte, j'avais beaucoup de ratures, plein de rimes, de vers, de feuilles, on finit dans les ordures. Je voulais quelque chose de simple, pas une sculpture. Écrire notre présent sans penser au futur. Si je pouvais t'avoir dans mes bras, sans prendre ma voiture, l'avion, le train et défier toutes ces lois. J'ai peur de tous ces gars qui peuvent te faire du mal. Loin de moi, je voudrais t'embrasser partout. Ta bouche, ton visage, ton cou. Tu es ma perle, mon présent. Avec toi, Dieu m'a sauvé. Quand je pense à avant, j'avais rien, j'étais blessé. Poi il sentimento è scivolato nel mio corpo, nel mio sangue. Allora ti ho baciato. Che felicità mi nasce dentro il mio cuore e l'anima. Je ne t'ai jamais dit que tu faisais trop bien l'amour. Je passe avec toi mes plus beaux jours. Oups, je voulais dire mes plus belles nuits. Je t'aime, je te hais, je te veux dans mon lit. Je ne t'ai jamais dit que tu faisais trop bien l'amour. Je passe avec toi mes plus beaux jours. Oups, je voulais dire mes nuits. Alors viens dans mon lit.